pola, canta, baila, por los gitanos y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. Pola, canta, baila, por los gitanos y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. ¿Sabes? ¿Sabes? Más fuerte, más fuerte. Polo gitano y tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Espéralo, ven ya. A rire franc, a rire frais, a rire français. Une nation qui refusait les langues, les cultures, une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités, sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vie. Pour démalise le Rhin, mon ban à cause beaucoup. Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas être un guerrero en un an, ni en deux, con el libro, con el cuchillo. Reixa esperança, esgata sonera. Hola, Gabon, buenas tardes, bonsoir, bonjour et bienvenue à Oulala. Pues Oulala, octubre, grabado hecho desde la furgo perdida, perdidos entre las montañas del Jura en un mundo jurasiano y los Alpes viendo el Mont Blanc, pero se puede hacer. Pues si estáis en Irola Irratia 107.5 FM y empezamos un Ulala con unas semanas de retraso, pero con los medios que tenemos y para adelante. Y en este Ulala de octubre, pues no, por los medios difíciles ya que tenemos, que tengo para hacer este programa, para realizarlo, no presentaré peli, pero hablaremos del 17 de octubre de 1961 y lo que pasó en París aquella noche, una noche horrible. Una noche horrible de represión. Pero como pues es un programa mensual este año, pues ya como hemos empezado el mes pasado, seguimos con la canción del hexágono de Renaud y el estribillo que sigue de octubre. Y dice: Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côtes-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger, leurs pinards et leurs camemberts, c'est leur seule gloire à ces tarés. Acabadas las vendimias en octubre, la uva fermenta en barricas. Son muy orgullosos de sus viñas, su Côte-du-Rhône y su Bordeaux. Exportan la sangre de la tierra un poco por todas partes del mundo. Su vino, su vinacho y su camembert es su única gloria a estos locos. Así que empezaremos con la canción en, un poco en relación a eso, de Les Escrolos, los estafadores, que nos cantan una canción sobre estos franceses muy franceses, y se llama Loukoum y Camembert. Les aime pas, les autres marionnettes. C'est l'ange là-bas, les turbans sur la tête. Elles font des prières, toi t'en as pas besoin. T'as du bon camembert et t'as du bon vin. Pendant que tu cavales, amassant de l'oseille, elles n'ont pour capitale qu'un rayon de soleil. Elles grillent des merguez le soir sur le balcon. Toi t'as stick ta R16 et tu planques tes ronds. Donnez-vous la main, Loukoum et Camembert, car vous êtes en chemin vers le même cimetière. Ben Saïd et Durand sont à la même école, des petits figurants dans un grand guignol. Mais toi le Gaulois, le Ducon, la joie, tu les aimes pas ces gens-là. Ils ont d'autres coutumes que celles des gens du Nord, qui font dans le costume et la côte de porc. Dans tes vilaines entrailles, tu sens monter la haine. Tu voudrais qu'elles s'en aillent et tu cries vive Le Pen. Qu'ils rentrent chez eux, ces fumeurs de hashish. On reste entre petits vieux au pays des caniches. Donnez-vous la main, Loukoum et Camembert, car vous êtes en chemin vers le même cimetière. Ben Saïd et Durand sont à la même école, des petits figurants dans un grand guignol. Elles font plein de rejetons, toi tu préfères les chiens. Tu te dis à quoi bon s'encombrer de gamins. Et pendant que tu t'angoisses sous tranquillisant, la marionnette d'en face, elle fait des enfants. Elle fait des beaux gamins avec les yeux brillants, plus brillants que les tiens, qui crient au droit du sang. Car sais-tu, pauvre con, que le mariage consanguin, ça fait pas des canons, ça fait des crétins. Donnez-vous la main, Loukoum et Camembert, car vous êtes en chemin vers le même cimetière. Ben Saïd et Durand sont à la même école, des petits figurants dans un grand guignol. C'est un chemin vers le même cimetière. Ben Saïd et Durand sont à la même école, des petits figurants dans un grand guignol. estáis en Irora Irratia 107.5 FM de las ondas libres bilbaínas y del resto del mundo por www.irora.org o en podcast en la misma página o en archive.org encontráis todos los y las iroditas y demás. Alors celle-là, je crois que le jour où je l'ai écrit, j'étais franchement énervé par la colère. Escucháis Ulala Octubre y un poco de historia. Es el 17 de octubre de 1961. La guerra de Argelia no ha terminado con su lote de torturas, desplazamiento de poblaciones, campos de concentración, millones de muertos, etc. En París, el FLN, Front de Liberación Nacional, organiza una manifestación pacífica para denunciar el toque de queda al que están sujetos los argelinos en París. Maurice Papon, prefecto de Burdeos, bajo Hitler y Pétain, luego de París, bajo De Gaulle, podemos decir una hermosa continuidad, da como información secreta a la policía que tienen rienda suelta, mano libre para reprimir y que serán cubiertos. Fue horrible. Los policías golpeando barrigas de mujeres embarazadas, golpeando a niños, niñas, acabando con los y las heridas a golpe de culatas, tirando los cadáveres con las heridas, los heridos y los vivos en el Sena. Encontraremos más de un centenar de ellos en los días siguientes en el mismo Sena entre París y Rouen, que son unos cientos de kilómetros. La matanza se estima en más de 300 muertos, miles de heridos y detenidos en el Palacio de Deportes y en el Estadio Pierre de Coubertin, donde sufrieron un trato brutal, torturados y unos cuantos devueltos a Argelia. La masacre fue objeto de ocultación estatal, estimando el presidente Charles de Gaulle que era un asunto secundario. En 2007, la compañía Jolimont lanzó su álbum Basta Ya, con la canción Manifestación Pacífica, que narra esa noche de infierno. C'est que l'époque des yéyés, et à Paris comme à Alger, le week-end c'est sur la piste que la jeunesse danse le twist. La mode est à la taille fine, les blousons noirs portent les jeans, robe à pois bleus et bigoudi, au hit parade, stand by me. Un voyage autour de la terre, Gagarine son voix en l'air. Bien couchant de son légionnaire, le savait-elle tortionnaire. Au cinéma des grands boulevards, Psychose et la tulipe noire sont à l'affiche ce mardi aux côtés de West Side Story. Ils se dirigent vers la ville, ils sont venus des bidonvilles, Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre. Enfants vieillards, famille entière dans leurs costumes du dimanche, souliers de cuir, chemise blanche. C'était au temps des colonies, et la nuit tombait sur Paris. C'était l'époque des yéyés, et à Paris comme à Alger, le week-end c'est sur la piste que la jeunesse danse le twist. En quatre ailes on part en vacances, en que tu gagnes le Tour de France. Les rockers braguent les nénettes, pètent aux bananes et roux flaquettes. du 12 au 13 dans la nuit. À Berlin, le mur est construit. Et cette année-là, dans Paris, à l'Olympia, chante Johnny. Catherine Deneuve devient blonde. Jeanne du régime se joue du monde. De Gaulle dirige la nation, Léon Ferré chante Aragon. Ils se dirigent vers la ville. Ils sont venus des bidonvilles. Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre. Enfants, vieillards, famille entière. Et par centaines et par milliers, ils sont venus manifester. C'est au couvre-feu de Papon que sans violence ils disent non. C'était l'époque des yéyés. La capitale est quadrillée. Car l'Algérien c'est l'ennemi traqué dans les rues de Paris. Collé au mur dans le métro. Main sur la tête ou dans le dos. Ils disparaissent dans des cars, les gens détournent le regard. Et la police se déchaîne, les corps sont jetés à la Seine. Dans la cour de la préfecture résonnent les cris des injures. À coups de crosse dans les dents, au milieu des gémissements. Femmes traînées par les cheveux, éclats de rire et coups de feu. Ils se dirigent vers la ville, ils arrivaient des bidonvilles. Les morts se comptaient par centaines. Les eaux muettes de la Seine les ont emportés dans la nuit, vers le silence, vers l'oubli. Longtemps après, qui se souvient? 17 octobre 61. C'était l'époque des yéyés. Entonces, ¿por qué nos hemos olvidado de esta represión bestial, loca y desproporcionada? Cuatro meses después, el 8 de febrero de 1962, el PCF, Partido Comunista Francés, organizó una manifestación pacífica contra las acciones de la OAS, Organización Armée Secrète, Organización de Armas de Ejército Secreto. Notorio grupo fascista que multiplica los atentados en París y defiende la Algeria francesa. Igual que Edith Piaf, que en la televisión se declara por la Algeria francesa, que dedica su canción No, je ne regrette rien, no me arrepiento de nada, a la Legión extranjera. Dice, ah, los torturadores, los legionarios, que bien huelen a arena caliente, empapados de sangre. En resumen, el 8 de febrero de 1962, la policía de Papón cargó localmente y locamente, una vez más, y los manifestantes huyeron, presos del pánico. Intentaron refugiarse en una entrada del metro, en la estación de Charonne. Pero deprisa, se caen por encima del otro, se amontonan, se asfixian. La policía había cerrado antes las entradas de metro para que no pudieran escaparse. Los policías los golpean sin tregua, los insultan, les arrojan pesadas cargas de hierro fundidos, de estos típicos que rodean los árboles de París, sí, sí. Resultado, 9 muertos, cientos de heridos. Entonces, ¿por qué la historia retuvo este segundo episodio? Porque las víctimas son todas francesas. Este macabro episodio es evocado de diversas formas por la Brigada Flores Magón, con el título Top 61. Dans la sur Paris. Depuis ce jour, tu marches pour un jury. Tu as vu les corps flotter dans la Seine. Nul de leurs couteaux. Vive le FLN. T'ont lâché leurs chiens. Charonne. Marqué aux Algériens. Charonne. Octobre noir. Octobre 61. Octobre rouge. Octobre noir. Ha. Acabar un poco con este tema, hablamos de Maurice Papon. En 1981, dos décadas después de estos sucesos, se descubriría su implicación en crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. El periódico Le Canard Enchaîné publicó documentos con su firma que revelaron su participación en el Holocausto. En 1998, tras 17 años de juicio, fue condenado por crímenes contra la humanidad y sentenciado a 10 años de cárcel, solo. Papon agotó todas las vías de recurso y siempre reivindicó su inocencia. Intentó fugarse a Suiza. Claro, como era inocente, pues lo mejor es intentar fugar. Pero lo capturaron y permaneció encarcelado 3 años. Aunque le liberaron en 2002 a los 92 años por su estado de salud. El 8 de febrero de 2007, qué fecha interesante, fue hospitalizado en el hospital de Ponto Combo para ser operado el 13 de febrero por una insuficiencia cardíaca. Finalmente no se pudo hacer nada por él y falleció con 97 años de edad, del cabrón. Sigue ahí, se nula la 10 octubre por el programa. Y pues vamos a empezar con unas novedades de octubre, perdón, de un disco que sacaron les Ogres de Barbac con su label independiente, Le Irfan. donde sacaron un disco sobre los 150 años de la Comuna de París. Entonces, pues, ponemos un temita, ¿no? Se llama Ne dérangeons pas le monde, no molestemos el mundo. Un disco súper bonito que se puede ya escuchar, pero bueno, hablaremos más de él en marzo, que cuando será realmente la fecha de los 150 años de la Comuna de París. Ahí, Les Ogres de Barbac y Ne dérangeons pas le monde. La commune refleurira. Utopistes que nous sommes, comme on doit nous trouver fous. Vouloir le bonheur des hommes, mais de quoi nous mêlons-nous? Mieux vaut chanter à la ronde et boire à plein gobelet. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Leur logique m'exaspère, ils répondent, c'est la loi. J'ai fait comme a fait mon père, mon fils fera comme moi. C'est la routine qui fonde la foi, dit son chapelet. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Le hibou craint la lumière, l'éclairé est inhumain. Là où aime son ornière, ne feront pas le chemin. Plus le vrai hôte est féconde et plus aigre le sifflet. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Notre parole s'émousse sur la masse de granit. Tentons-nous quelques secousses, on nous frappe, on nous bannit. Prouvez que la terre est ronde et l'on vous prend au collet. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Après tout, foules inertes, j'ai grand tort d'être obstiné. Votre idéal, mouche verte, n'est pas celui de mon nez. Les étangs, le peuple immonde, dans l'eau stagnante se plaît. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Donc mais bon, plus de querelles, souffrez, portez votre croix. La femme de Scannarel veut qu'on la rosse parfois. Allez mouton, qu'on vous tonde, fais-toi traire, va chaler. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Ne dérangeons pas le monde, laissons chacun comme il est. Muy bonita, y seguimos con el mismo disco y otro temita que me encanta, claro, Le temps des cerises, El tiempo de las cerezas, aquí interpretado por HK, que él, desde hace más de un año, sigue haciendo conciertos por las calles, de manera gratis, por el público, porque no quiere actuar y ha cancelado todos sus conciertos y los cancela donde piden el pas sanitario a la entrada, algo que se hace mucho en Francia ahora. Así que le digo bravo, HK. En nous nous chanterons le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de pays en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Ayashka y en la compilación, el recompilatorio de la comuna refleurirá, la comuna volverá a florecer con cantos de época y poemas y muchas artistas y hablaremos de eso en marzo. Y pues seguimos en Ulala Octubre, que se escucha en noviembre. Y seguimos con novedades de ahora de la Ruqueta Nu, que nos gusta mucho aquí. Y han sacado también ellos un disco directo con unos temas además nuevos que grabados en estudio. Y el disco se llama Acru. Y han hecho una portada muy bonita con cebras y sencillos y muchos colores. Y vamos con el tema Peuple Migrant, Pueblo Migrante. Y cuenta la historia de, pues, de todas estas personas que intentan cruzar los charcos, los mares, los océanos en sus barcas de fortuna. Nous sommes donc tirés au sort, l'avenir en hypothèse. Nos yeux vers l'étoile du nord sont comme des braises sur la braise. Sont comme des braises sur la braise. Le silence se mettra à bord pour ne pas faire de remous. Pourvu que dorme l'eau qui dort, l'embarcation tient le coup. l'embarcation tient le coup. Mais nous sommes peuplés à mort sur cette épave de caoutchouc. Ici le douce vaut de l'or et l'or ne vaut rien du tout. Et l'or ne vaut rien du tout. Les sirènes entament le chant des loups. Pourvu que la terre revienne, l'embarcation tient le coup. L'embarcation tient le coup. Tous les marins éphémères, navigateurs des putains, terriens chassent de la terre. Nous, peuple migrant, on orbite sur la planète, nos enfants sur les genoux, vivant en couple lettre, embarcation, tient le coup, embarcation, tient le coup. Oies sauvages font l'air au-dessus de nous, font l'air le grand large. L'embarcation tient le coup. Y como dicen, inmunizaros los unos contra los otros. Ay, abrazaros y besaros para inmunizaros. Y seguimos con otras novedades. Una muy guapa también de Muse Akim. Este proyecto de los dos hermanos cantantes de Zebda o de Motivé. Ahí reinterpretan pues canciones y escritos o poemas de Claude Nougaro, un escritor, cantante, cantautor típico de Toulouse, de donde son los Zebda, los Muse Akim, y retoman todo el Nougaro, y el álbum se llama Les Darons de la Garonne, los padres de la Garona, algo así, del río, de la ría de Toulouse. Y pues hay muchos temas muy bonitos también, muy, muy guapos, con su estilo un poco oriental de sus cantos a veces en el disco. Muy bonito, y ahí pues vamos con el tema de Le Saut de l'Ange, el salto del ángel, que tiene un videoclip en el YouTube, lo podéis ver, muy, muy, muy guapo, de tipo de marionetas de papel, que aquí nos gusta mucho. Ahí Muse y Akim, Les Darons de la Garonne, et Le Saut de l'Ange. Oh, suis fou mordu d'une trapéziste qui s'aboie en l'air sous une toile bleue. Je la suis partout en wagon de cirque entre nous savants et trois lions frileux. Mon amour fou, y'en a qui s'attristent. Chef des percussions, j'étais à Strasbourg. Et me revoilà en bas de la piste, son saut de linge roulant du tambour. Mais son saut de linge, ah, son saut de linge, ça ferait frémir un pape ou un bœuf. C'est pas une gonzesse, c'est une mésange qui te trouve le cœur comme un casse-neuf. Frappadingue d'une trapéziste qui s'envoie en l'air, mais pas avec moi. Ces amants divers, je vous dis pas la liste, essaie de les compter, t'y perdrai les doigts. De cet amour fou, y'en a qui s'attriste. Chef des percussions, j'étais à Strasbourg. Et me revoilà, pauvre masochiste, pour sauter mon ange, attends à mon tour. Mais son saut de linge, ah son saut de linge, ça ferait frémir un pape ou un bœuf. C'est pas une gonzesse, c'est une mésange qui te trouve le cœur comme un casse-neuf. Une nuit d'hiver dans sa caravane, je me suis glissé comme une ombre en douce. Et qu'est-ce que j'ai vu? Non, non, c'est pas des vannes. Elle roupillait dans les bras de l'ours. Ah, j'en crèverai de ma trapéziste. La voilà qui grimpe en silence, chute. Je serre mes baguettes en bas de la piste. Je roule du tambour et j'attends la chute. Mais son saut de linge, ah, son saut de linge, ça ferait frémir un pape ou un bœuf. C'est pas une gonzesse, c'est une mésange qui te trouve le cœur comme un casse-neuf. Ahí era Mousse Hakim de Zebda con su nuevo proyecto, Les Darons de la Garonne. Y seguimos con este programa muy artesanal desde la parte jurasiana de las montañas entre Francia y Suiza, dentro de la furgo. Y seguimos, pero es Ulala Octubre. He logrado hacerlo y sonará ahí en Iruray Ratia 107.5 FM, ondas libres bilbaínas y del mundo. Y pues seguimos, muchas novedades salió en octubre. Y vamos a seguir con uno que me gusta también bastante mucho, que es San Severino, que es un guitarrista para mí buenísimo, que toca mucho jazz manouche y sus letras también muy locas, muy bastante implicado, ahí satírico diría en sus letras. Contando historias curiosas y un estilo pues muy rock and roll, muy jazz manouche o muy blues, en este caso por su nuevo proyecto que se llama Les Deux Doigts dans la Prise, los dos dedos en el enchufe. Y vamos con el tema, este me ha gustado mucho y habla del, se llama el MEDEF, que es el movimiento de empresas de Francia, de una empresa de asociación de patrones. Es el, para contaros rápido, es el movimiento de empresas de Francia, una organización patronal creada el 27 de octubre de 1998. Seguimos en octubre, en sustitución del Conseil National del Patronato Francés. Representa unas 750.000 empresas, principalmente grandes de tipo PYME y de sectores de industria, comercio y servicios también. Pero esos son los que controlan un poco una parte anti-sindical. Ahí vamos con San Severino y el MEDEF. Una buena crítica cantada. Sensible au chagrin des autres. Quand parfois c'est risqué, nous n'avons jamais la culpabilité de n'y pas tomber. Jamais. Pendant que la plèbe se tiraille, se chamaille et que certains fuient dans la mélancolie. Au MEDEF, nous. Au MEDEF, nous, on est bien. La solidarité, l'entraide sont de beaux atouts. En cas de raz-de-marée, on s'arrange entre nous. Et sacré nom d'une pipe, faut-il encore une fois s'acharner à conserver ces satanés emplois? Philanthropie, non merci. On pratique ensemble le polo, l'équitation. Et c'est nous les patrons. Au MEDEF, nous. Nous, on est bien. Il arrive que parfois le bateau vire de bord, alors nous transigeons avec le protocole d'accord. Pas besoin d'avocat, appelons directement notre bon président. Au MEDEF, nous. Au MEDEF, nous. Au MEDEF, nous. Au MEDEF, nous. Au MEDEF, nous. On est bien. Seguimos en Ulala y en Irola. Y ahora con otra novedad que salió el 22 de octubre pasado, del grupo Telegram, que sacó un nuevo disco, Le Long des Méridiens, a lo largo de los meridianos, con sonidos bastante rock, hip hop, trip hop, y todo eso añadidos de sonidos, sonoridades orientales un poco, ¿no? De instrumentos hindús, japoneses, y queda un toque muy, muy guapo, muy bonito. Un grupo formado, pues podemos decir, alrededor de la pareja Chloé y Laurent Quebouz, Laurent de Hurlement Bleu, y pues varios músicos, uno de, también de Hurlement Bleu, que trae todos estos instrumentos orientales, y un nuevo baterista rapero que da este toque rap, trip hop, hip hop, al tema que rapea en francés, en inglés y, si no me equivoco, igual un poco en castellano. Un grupo pues bastante implicado políticamente también en sus textos, y pues molan mucho como gente anarquista que son. Y pues ahí vamos con un tema que se llama Milonga, un tango, así sí, con un videoclip muy guapo, igual por eso me dejo caer en pasar este tema, con una bailarina española en medio de un bosque, y claro, al bailarla en el videoclip se puede ver una amapola bailando. Telegram y Milonga. Ses notes, épousons ses esquisses. C'est exquis quand l'orage s'excite. Ça crépite, sans raison ni limite. Cueillons le tonnerre, caressons les torts. Laissons le dépit, attrapons ses reflets d'or. Dansons dans ces temps gris, laissons la pluie s'écouler de tous nos bords. Dansons sous la pluie. Cette foule quand elle chale sous la houle de ses étincelles, c'est fou quand ses courbes s'embrassent de folle foulée sous les faisceaux d'un soleil rouge. Allez, ça et là, ça transpire la transe et la routine s'illumine de sourires denses. Les joues s'empourprent et l'esprit s'élance dans une immense vague d'abondance. Dansons le long de la Milonga, laissons nos pas tanguer vers le Rio de la Plata. Abreuvons nos sens, étirons nos bras. La pluie est belle quand elle glisse sur nos ébats. Les mains brassent l'air, les pas se font plus fort. Gouttes d'eau de pluie qui se mêlent au pétrichor. Dans son corps, ses corps tendus et bras levés jusqu'à s'élever vers les sorts. Dansons sous la pluie. Tentons les orages. Ah. Ay, Telegram y Milonga. Y ya seguimos, ya vamos acabando este programa muy artesanal desde las montañas del Jura. Y vamos, entonces acabando, sí, con un grupo que se llama Les Yeux de la Tête, Los Ojos de la Cabeza, que hacen una música muy festiva, como se dice en Francia, muy animada, muy... que hacen muchos, muchos conciertos, que giran mucho por los países nórdicos, Alemania y por ahí. Seis músicos y con su último disco que salió también en octubre, que se llama Murciélago, El Murciélago, sí, sí, en castellano. Y el tema que escuchamos, pues, se llama Bonne Nouvelle, Buenas Noticias. Y habrá de estas noticias que siempre leemos en todas partes, pero que no acabamos de leer, de verdad, ¿no? Leemos las primeras líneas y luego hay que abrir la página y ir a investigar para ver si es verdad, si es falso, y no nos interesa en verdad. Y así se queda en buena noticia. Y ahí va el tema. Ahí, Bonne Nouvelle de Les Yeux de la Tête. Gabón, y nos oiremos en noviembre, dentro de poco tiempo, que ya estaremos dentro de la Irola. Agur, bonsoir, y cuidado a todo lo que viene de la derecha. Ce matin, une fois encore, posé, je voulais voir les infos. J'ai ouvert Facebook sur mon phone. Moi c'est comme ça que je lis les journaux. Faut trier le vrai du fake, et ça demande pas mal de boulot. Mais j'ai tellement rien d'autre à faire dans ma vie métro apéro dodo. Du coup je scroll, scroll, scroll. Je lis les titres, je lis quelques extraits. En 4 lignes maximum je m'informe. La suite est réservée aux abonnés. Mais c'est pas grave, y'en a toutes les 2 secondes. J'ai déjà des méga news. Je regarde vite fait tout ce qui se passe dans le monde. C'est la méga loose. Donne-moi une bonne, donne-moi une bonne nouvelle. Donne-moi une bonne nouvelle. Moi je veux une bonne, donne-moi une bonne nouvelle. Donne-moi une bonne nouvelle. Encore envie de voir le monde. Il paraît qu'il est pas pourri partout. En faire le tour avec mes deux blondes. Tout quitter pour un je ne sais où. Un je ne sais quoi qui nous accueillera. Un je ne sais pas comment mais ça je m'en fais pas. Un je sais qui mais pas où ni quand. Un je sais pas pourquoi je veux t'en foutre le camp. Donne-moi une raison de rester ici. Donne-moi une toute petite éclaircie. S'il te plaît dis-moi que tout ça c'est bientôt fini. Dis-moi encore en vie. Donne-moi une bonne, donne-moi une bonne nouvelle. Donne-moi une bonne nouvelle. Moi je veux une bonne, donne-moi une bonne nouvelle. Moi je veux une bonne, ce serait une bonne, ce serait une bonne nouvelle. Moi je veux une bonne.